Le blanc d'aujourd'hui à Assemblage requis. On reçoit Maxime Lemieux-Laramé qui vient nous parler de musique à télécharger. Et Sylvain Ricard nous fait un compte-rendu du plus récent Consumer Electronics Show. Tout ça et bien plus encore à Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, votre émission du retour en pièces détachées en compagnie de Kiwan et de Mathieu Plante. Salut Mathieu. Salut Kiwan. Ça va bien? Superbe! Et toi? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, c'est la première journée du carnaval étudiant ici à l'UQTR. Oui, on n'a pas nos crécelles, mais faisons comme si on va faire le mouvement de la crécelle. Ouais, c'est un petit peu plus silencieux, mais côté ambiance, juste un mouvement, ça fait la job, hein? Vraiment, là, il y a du mouvement à la radio, c'est écœurant. Vraiment. Beaucoup ça. Donc, dans l'émission d'aujourd'hui, on va avoir Maxime Lemieux-Laramé qui va venir nous parler de nouveautés musicales, de découvertes qu'il a fait musicalement et autres. Oui, aussi, on va avoir une chronique CNX, comme il y en a trois fois par semaine. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, c'est ça? Oui, exactement. On va recevoir Sylvain Ricard qui va venir nous faire un compte-rendu du plus récent Consumer Electronics Show, qui est la grosse foire de gadgets et de technologies. Ça va être dans le début de la deuxième heure d'Assemblage requis. Et ça va être pas mal intéressant. Le gars, il va là depuis 2004 pour couvrir le CES. Donc, on va l'avoir à l'émission tout à l'heure. Parfait, voir plein d'autres trucs aujourd'hui. Les lundis sont toujours assez chargés. Martin Bertrand, exactement. Aussi, on va se parler un peu de télévision, j'imagine. Et de soap. Il y a plein d'autres trucs aussi. Donc, restez là. On commence ça tout de suite en musique avec un extrait du palmarès francophone de Sécou. Voici les trois accords et ton pantalon est plein. À Assemblage requis. Au 89.1. Yeah! Méfie-toi de Mephisto de la part de Ariel à Assemblage Requis. Oui, juste avant ça, on avait entendu un extrait du palmarès anglophone. C'était le groupe Hot Little Rocket avec la pièce Volcano. Et on avait commencé avec les trois accords. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Chaude petite fusée. Je trouve ça beau comme nom de groupe. Ouais, ce serait mieux en français, un chaud de petite fusée. Chaud de petite fusée! C'est comme plus naïf, on dirait, que Hot Little Rocket. Vraiment, ça fait viril en anglais. Hot Little Rocket! Ouais. Il y a trop de H et de R. Ouais. Mais bref, ça on fait avait... Russe. Hot Little Rocket! Hot Little Rocket. C'est allemand, ça plus, je pense. Plus. Saucisse. Ouais, bon. Mais bon, pour en finir avec mon idée, avant que tu m'interrompes à plusieurs reprises... Excuse-moi. On avait commencé avec les trois accords et la pièce de ton pantalon est plein. Les trois accords vont être, comme on le sait tous maintenant, vont être... Au Nuit Polaire, au Festival du Nuit Polaire ici à Trois-Rivières, c'est le 29 janvier prochain, c'est le vendredi, donc ils vont être là en spectacle gratuit au Parc Champlain pour le vendredi. Et le samedi, il va avoir en duo, mais il va avoir les deux groupes sur la même scène pour la même soirée, il va avoir Creature et Radio Radio. Et il y a une nouvelle très intéressante qui est sortie en fin de semaine concernant Radio Radio, c'est qu'ils vont lancer leur deuxième album le 2 mars prochain. C'est au mois de mars que l'album va sortir. C'est bien ça, un 2 mars, est-ce que je me trompe? Oui, non, c'est ça, exactement. Est-ce que je peux faire un commentaire? J'imagine que tout le monde le fait, mais que la couverture fait extrêmement pas Radio Radio. J'imagine qu'ils veulent vraiment changer leur apparence parce que c'est un beau petit bateau et des couleurs très pastel, rose, bleu, jaune. C'est bizarre. Mais en même temps, ça fait maritime un peu, tu sais. Oui, mais Radio Radio, c'est hip-hop, c'est jeune, c'est dans le vent. Oui, c'est ça. Ça fait plus renaissance, on dirait, là, leur pochette. L'album s'appelle Bel Mundo Regal. Et donc, c'est ça. Il va être disponible à partir du 2 mars. Mais il y a un extrait. Le premier extrait de cet album-là est déjà disponible. Vous pouvez l'écouter sur MySpace ou vous pouvez aussi le télécharger gratuitement sur le site de Bonsound au www.bonsound.com. Et vous pouvez aussi juste écouter là. Vous pouvez l'écouter tout de suite parce qu'on vous la passe à la pièce. Ça s'appelle Deck Shoot de Radio Radio. La couverture, on dirait, comme si un 10 cents, tu sais, un dos de 10 cents, avait été mis en couleur. Ouais, presque en couleur. Hein? Superstar, marcher sur la main ou marcher sur la auto-mo. Inimé, némo, némo, c'est qu'est-ce qui veut du jello. Si ton sport c'est du vélo, ben come on baby, hello. Saute, danse autour la question, marcher sur la hay. Ok, j'explique, c'est jet set dans ma minivan. Oh, that cut you, my case in case, que ma case work pro. Hit case in case, que ma still work pro. Penny loaf of decks, you got that soul. Got the soul, got the gym. Nah, man, wish work my tan. Shopping channel, vend that scam. Copy, call it, shoot, come damn. Basically, so basic, so avec mes penny loaf, avec mes decks, shoot. Et j'vois marcher sur la. Marcher sur la hey, j'ai dit plus broke, mieux y habiller. Marcher sur la. Prends un cent à mon nom, poste de Louis Vuitton. Une paire de deck shoes, pas de poids de bateau, un premier down. C'est même que ça se passe, quoi d'où tu veux, j'te dis. Buy-moi 15 minutes, puis watch mon parc de mes valises. J'dirais pas que j'suis pauvre, j'dirais plutôt que j'suis broke. Un gars, ça me coûte rien, un bonnet sur la côte. Moi j'aime les couchers de soleil, puis watcher les bateaux. Avec de l'easy listening jazz, qui joue sur mon radio. Avec mes penny loafers ou avec mes deck shoes, j'vais marcher sur la. Le jour où j'fais en rien de glue, j'm'achant pour des causes, m'achcroyant rien du tout. C'est la new edition, television, match le piano. Tout ça, d'un monde qui sait, tout le monde croit qu'il faut. Tout ça, d'un monde qui croit. Les histoires des matelots, mais j'les ai trouvés sur le bout du chat en marchant sur la wall. Sans plus broke, mieux y habiller, marcher sur la hay. J'ai dit plus broke. Et marcher sur la plus broke, mieux y habiller, marcher sur la hey, j'ai dit. Qu'est-ce qu'il veut du Jello? Qu'est-ce qu'il veut? C'est ça qu'il dit, c'est la formulation. Qu'est-ce qu'il veut du Jello? Qu'est-ce qu'il veut du Jello? J'aime ça. C'est donc la nouvelle pièce de Radio Radio sur leur prochain album Bel Mundo Regal, disponible le 2 mars. La pièce s'appelle Dekshu et c'est très, très fidèle au son qu'on connaît de Radio Radio. C'est vraiment très bon. Ça reste dans la tête, je te le dis. C'est vraiment vrai. C'est vraiment très vrai. C'est vraiment, là, mais vraiment très, très vrai. Comme TVA, c'est vrai. Vraiment, Parlant de TVA, tantôt, on parlera de petites soaps. Tantôt. Oui, on pourra faire ça tantôt. Parce qu'à chaque semaine, on vous tient au courant des soaps. T'sais. C'est très important comme sujet, je trouve. Ben oui. Bon. Aussi, plus tard dans l'émission, on va recevoir Maxime Lemieux-Laramé avec sa chronique Télécharge quoi sur ses découvertes musicales. Oui, ça s'en vient ça dans quelques minutes. Mais juste avant ça, on va aller faire un petit tour. On parlait de Bon Sound tantôt, puisque la pièce qu'on vient d'entendre de Radio Radio est téléchargeable gratuitement sur le site de Bon Sound, www.bonsound.com. Mais aussi, si vous allez sur le www.bonsound.com/5 ans, c'est ça? 5 ans. Vous avez accès à l'espèce de compilation que vous pouvez accumuler au fil du temps. Je pense que c'est une fois par mois, ils sortent une nouvelle pièce. C'est comme les Pokémon, c'est à collectionner au fur et à mesure. Il faut vraiment les collectionner, il faut attendre que la nouvelle sorte. Et puis là, on a pris un peu de retard, on avait passé les deux premières parce que c'est vraiment des très bonnes pièces. En fait, le concept, c'est deux artistes différents de Bon Sound et un artiste reprend la pièce de l'autre. Ça donne quelque chose de complètement bizarre. Donc, on avait déjà entendu du Yann Perrault pris par Sonny Duval et aussi l'autre, c'était Philippe avec Malajube. Exactement. Donc, on va vous passer tout de suite les deux autres seulement qu'on n'a pas entendu et ils sont vraiment très particuliers. Entre autres, Geneviève et Mathieu qui reprennent une pièce de Champion, la pièce No Heaven de Champion. Ça, c'est vraiment très, très, très spécial. Et aussi Creature qui reprend une pièce du Nombre. Moi, malheureusement, je ne connais pas cette pièce-là du groupe Le Nombre. Donc, quand on ne connaît pas l'original, c'est sûr que c'est toujours un petit peu plus ordinaire. Mais bon, c'est Creature qui reprend la pièce Le Son des haut-parleurs du groupe Le Nombre. Donc, on écoute ces deux pièces-là tout de suite à Assemblage Requis. Devinez laquelle est laquelle. Ça va être spécial. Comme un quiz. C'est comme un quiz, c'est comme sur les sauts, mais c'est pas avec des sauts du tout. C'est un petit peu moins savonné, je trouve. Un petit peu moins savonné ou savonné, tu penses? Savonnant. Soapy? Tu triches un peu, par exemple. C'est plus facile en anglais. Ouais. Oh boy, I told you. Well, I told you, but I told you. Ain't no heaven. Oh Lord, ain't no heaven. There ain't no heaven on the county road. Don't talk about it. Oh boy, don't talk about it. Don't talk about it. If you do, I'll cry. Oh Lord. for a while. Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Retour, Maxime Lemulleramé et sa chronique télécharge quoi? Assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. C'est fou, c'est fou comme un balai. 1 et Mathieu, Assemblage requis. Oui, vous êtes toujours à l'émission Assemblage requis en compagnie de Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Et maintenant, on n'est plus seul. On accueille Maxime Lemieux-Laramé. Aujourd'hui, ça commençait vraiment mal. Comment je suis rentré dans le studio puis j'ai entendu Radio que je voulais faire jouer. Donc, on t'a coupé une primeur. On m'a coupé une primeur. J'ai toujours une alternative, là. Un plan B. Un plan B, c'est ça. Mais je trouve ça cool que vous soyez en avant-garde comme ça. Ben, on aime ça de battre, nous autres. Ben, c'est notre but dans la vie, finalement. Puis est-ce que vous avez dit qu'il allait avoir un futur album? Ben, franchement, tu nous prends tu non, des mais imbéciles. Puis vous avez dit qu'il était aux nuits polaires. Vous avez tout dit ça. C'est ça. Hein? Ben oui, ben oui, oui. Même le nom du futur. Balduga Balabou. Belmundo, regarde. C'est ça, man. Vous connaissez tout. Tu nous as quand même bien appris. Ben c'est ça, j'ai l'impression que j'ai peut-être une influence sur vous. Tu vois, c'est les élèves qui dépassent le maître. Ouais, mais c'est parfait. Ouais, c'est ça, cette semaine, je suis venu vous parler, entre autres, de Discovery. Discovery, c'est un projet, comment qu'on dit ça, un side project, là, comment qu'on dit ça? Un projet parallèle, c'est ça. Ouais, un projet parallèle. C'est un projet bien de l'inventer. À côté de la gamme. Ben, moi, j'utilise cette expression-là, je pense que je l'ai jamais entendu ailleurs, mais j'utilise régulièrement cette expression-là pour parler de side project. C'est un side dish. Bon. Aussi qu'on appelle. Ah oui, oui, oui. Les petites pâtes, là. Ouais, c'est ça. Miam. Oh, miam. Alors, c'est ça, c'est... dans le fond, c'est le claviériste de Vampire Weekend. J'en ai parlé un peu la semaine passée. Et le chanteur de Rara Riot. Et puis, ça donne dans l'électro pas mal. Discovery, ils ont sorti un album long avec une dizaine de pièces au mois de juillet passé. L'été passé. Mm-hmm. Et puis, en fait, si j'en parle... C'est que c'est bon, mais aussi, je trouve que j'ai l'impression que ça l'a peut-être influencé un peu le dernier album de Vampire Weekend, qui est un peu électro. Il y a la pièce California English sur Contra. Le plus récent de Vampire Weekend, où la voix du chanteur est modifiée un peu électro. Mmh. Ouais. Et puis... À la quoi? Ouais, c'est vrai que ça faisait auto-tune un petit peu. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Discovery, utilise pas mal de ça. Et puis, la chanson que j'ai choisie, c'est Carby. Et c'est le chanteur de Vampire Weekend, Ezra Koenig, qui chante là-dessus. Alors, c'est ça. C'est Discovery. L'album s'appelle LP. Ah, ben, c'est comme David Confie, hein. LP1, LP2, LP3. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est original. Alors, on va écouter ça. Et je la dédie à mon voisin. Tellement hors contexte, ça n'a aucun sens. Ça, c'est... Bonne chance de trouver de discovery la solution. Too late, oh. ça a l'air d'être un super bon disque. Ovary. Hein? Alors, c'était Carby de Discovery. Écœurant. Aïe, aïe. Ah, ces jeux de mots-là. Mais on s'en passerait. On sent pas trop quand même l'influence Rubber Riot. Tu dis qu'il y avait un membre du groupe. C'est sa voix. Je sais qu'il y a une chanson aussi qui a été reprise. Mais je connais pas ça tant que ça, Rara Riot. Rara Riot. Non. J'aime surtout dire le nom. Non, mais c'est vraiment très très bon. C'est un groupe que j'aime beaucoup. On pourra en écouter un petit peu plus tard si ça nous tente. Alors, deuxième artiste dont je voulais parler, c'est les Vivian Girls. J'en avais parlé un moment donné avec Kiwan. J'avais découvert ça. Puis Kiwan me disait qu'on avait déjà le CD ici. Mais c'était un plus récent CD que j'avais découvert. On en a fait passer quand cet album-là est sorti. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti l'album dont tu veux nous parler. Non, ça fait pas longtemps. C'est ça, on en a fait jouer ici quand l'album est sorti, mais c'était pas avec un album de ces fous-là, c'était du MySpace. Ok, fait que là, ça va être du son de qualité. Ouais, ça va être enfin du son. Ben, quoi que Vivian Girls est son de qualité, est-ce que ça va vraiment ensemble? Ça rime pas ensemble, c'est vrai. Ah, c'est ça, c'est pas mal trashy. T'aimes-tu ça, toi, quand c'est trashy, Mathieu? Ben, Assemblage requis, c'est comme une grosse merde, donc trashy. C'est une grosse merde? Je blague. Ok. Oui. Je pensais que t'allais dire, tu sais, c'est assemblé à partir de choses récupérées. De pas grand-chose, ouais. Mais là, marre, j'aime pas ça. Ben non, t'es fin, on t'aime. Tout le monde est bon aussi. C'est quoi le rapport? Parce que je trouvais que la blague était bonne à faire quand tu m'as le contexte. Je retiens mes paroles. Ok. Alors, c'est ça, c'est l'album Everything Goes Wrong. C'est le deuxième album long de Vivian Girls. Un trio, je pense qu'ils viennent. Ben, ils sont installés à New York, là, un peu comme tout le monde, mais je sais pas, je me rappelle pas d'où ils viennent exactement, mais ça donne dans. Moi, je trouve que c'est un peu garage rock de filles, là. Ouais, un peu post-punk ou je sais pas. Ouais. Là, J'aime pas ça quand on commence quand à des effets. Ouais, c'est ça, dire des noms pour décrire la musique, ouais, là, c'est compliqué de toute façon. Mais ouais, c'est ça, c'est sale, c'est garage punky un peu, là. Alors, la pièce que j'ai choisie, c'est When I'm Gone, de l'album Everything Goes Wrong. Alors, c'est les Vivian Girls, dans le bloc télécharge quoi, assemblage requis. Presque. J'ai vraiment hâte là, qu'à un moment donné, on écoute. Tu sais, qu'on écoute pas la toune puis qu'on jase. En... À un moment donné, on devrait faire ça, moi, j'avoue. Je trouve qu'on jase pas assez entre nous autres. On est tout le temps en train d'écouter la musique. On écoute la musique, ouais. On est très attentif. Je trouve ça. Ça vient fatigant maintenant. Ouais, c'est ça. C'est notre relation hein, qui est COP. Moi, je vous le dis comme ça. On est comme une famille ici à Assemblage Requis, c'est une émission merdique. Alors, c'était Vivian Girls avec When I'm Gone. C'est sur l'album Everything Goes Wrong. Et puis, dernier artiste dont je voulais parler, Radio-Radio. Non, on a fait un changement. Mais c'est un groupe dont je voulais parler de toute façon à l'émission. Et puis. Écris-nous pas sur Facebook ce que tu vas dire et ce que tu vas pas jouer à la place à l'avance. Hein, comme ça. Je le faisais avant. Hein. J'ai changé en 2010. Ta résolution n'a pas tenu. Ouais. Je te reconnais plus, Maxime. Je suis désolé. C'est depuis que j'ai des lunettes. Ouais, c'est ça, des belles lunettes en passant. Alors, c'est ça. Dans le fond, je voulais parler de sleigh bells. Alors, ça serait quoi sleigh bells en français? Des cloches. Des clochettes de traîneaux. De traîneaux, ouais. Hein, c'est ça. C'était exactement ce que je pensais. Je savais. Alors, si vous voulez, il y a 4 pièces de disponibles sur le site Stéréogum. Stéréogum GUM. Cherchez, c'est plus facile sur Google de taper okay. Stéréogum sleigh bells. C'est le premier résultat. Sur Stéréogum, quand tu tapes sleigh bells, c'est pas dans les premiers résultats. OK. Donc, sur Google ou un moteur de recherche quelconque, il y a 4 pièces à télécharger gratuitement. C'est un groupe. C'est ça, dans le fond, moi, j'ai vu une entrevue là, sur Internet. C'est un duo. La fille, elle chantait dans un petit groupe pop avant et lui faisait du métal et puis ils se sont rejoints au milieu et puis ça donne un gros son. Vous allez voir là, vous allez avoir l'impression qu'il y a de la distorsion, vous allez vouloir baisser le son, mais je pense que c'est normal. C'est de la nouveauté, alors écoutez ça. La pièce s'appelle Infinity Guitars. Guitar ou Guitars? Guitars. Ah, alors plusieurs guitares. Et puis, il n'y a pas d'album encore, mais si vous voulez avoir des infos, allez sur le MySpace. Il y a plein d'entrevues et de chansons. C'est tellement nouveau que vos haut-parleurs sont pas prêts pour ça encore. Ça. Donc, faites attention. Mais ouais, habituez-les. Bon. Sleigh bells. Là? Yes. OK. Grishing. Alors, c'était ça, Sleigh Bells. Ouais. Un peu minimaliste en même temps. Hein? C'était assez simple. Comme un accord de guitare puis un petit beat de drum. Ouais. Ben, c'est très bon. J'aime ça. Ouais, c'est ça, c'est bien cool. D'accord. Ouais. J'ai hâte de voir à quoi l'album va ressembler, là, parce que c'est le fun qu'il y ait un mouvement de. Tu sais, un bon petit hype, là, mais des fois, l'album, c'est pas des beaux résultats qui hein? Vous comprenez ouais, ce que je veux profond, dire? Oui, c'est très profond, ben oui. Je pense que je vais m'en aller. Des fois, le hype crée de trop hautes attentes ben, et les gens, des fois, trouvent que l'album n'arrive pas à la hauteur de. Ouais, on dirait que je suis plus capable de m'exprimer. J'ai un cours d'espagnol avant de venir ici, hein, puis ça mélange. Ah. Je devrais faire ma chronique en espagnol. Peut-être, oui. Alors. Le mot du jour est. Hasta luego. C'est deux mots, probablement. Et c'est un petit peu évident aussi, tu sais. OK. Trouve-moi un mot original. Go! C'est fou 89.1. Está loca! Está loca! 8-9-1. Alors, c'est ça. Je vous revois la semaine prochaine. Parfait. Merci. Bye. Bye! Un petit peu inconfortable à la fin, ça. Alors, on remercie Maxime Lemulé-Ramé et sa chronique Télécharge Quoi. Il sera de retour la semaine prochaine. C'est les lundis à Assemblage Requis. Oui, et nous, on va continuer en musique tout de suite. Avec une nouveauté de la semaine passée dans la chronique de Maxime, d'ailleurs. Le 2 mois environ. J'en avais pas parlé dans ma chronique, mais vous en avez parlé. Ah, OK. Ouais, mais non, mais c'est parce que Maxime, il est vraiment beaucoup en avance sur nous. Pour vrai, t'en as parlé il y a peut-être 2 mois, je pense. Ouais, quand la pièce Horchata était sortie. Là. Bon, on le fera pas jouer d'abord, c'est trop vieux. Trop vieux, c'est tellement out. Vraiment 2010. 2009. Bon. Ouais. Donc, étant donné que tu veux pas aller écouter cette pièce-là, Mathieu, on pourrait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Just to some bunny scouts. Conscious, mom, conscious, dig what I say. Living like a fresh Canadian, but we'll die in L.A. Passing from a disconnected light switch. But you use red toothpaste. Cause if that time's no one, if it just makes you worse, would you lose all of your faith in the good? And if it's all a curse, and we're just getting worse, baby, please don't lose your faith in the good. C'est pas avec Assemblage Rocky qu'on va essayer de nous changer de réseau, par exemple. Parce que, nous, on est ici assez fous et on adore ça. C'était The Almost avec la pièce Hands de leur album Monster Monster. C'est sur le palmarès de C'est Fou en ce moment même. Oui, et c'est ce qui terminait la première heure d'Assemblage Rocky. Dans la deuxième heure, on va avoir Martin Bertrand avec sa chronique sur les petites mythologies. Et on va aussi parler du Consumer Electronic Show dans la chronique Cynix. Restez là, c'est tout de suite après ça. C'est fou dans ton char. 89-1-1-1. C'est la deuxième heure d'Assemblage Rocky et ça, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Vous êtes en compagnie de Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Oui. T'es en pleine discussion très intéressante sur la télévision de fin de soirée. Ben ouais, tout le monde, vous avez peut-être entendu parler du sujet Jay Leno, Conan O'Brien. C'est pas encore signé, les rumeurs. En tout cas, aux dernières nouvelles, j'allais voir sur l'heure du midi, puis ça avait pas encore été signé. Mais c'est compliqué comme histoire. C'est compliqué, puis je me demande si ça intéresse tant les gens que ça. J'en entends parler beaucoup dans les médias de ces temps-ci. Tu sais, Anne-Marie Wittenshaw, apparemment, qui parle beaucoup de ça tout le temps, à Christiane Charette, t'sais. L'histoire, c'est que Jay, en 2004, avait dit... Tu sais, ce que tu viens de dire là, ça fait un peu comme... Comme Anne-Marie Wittenshaw en parle beaucoup à Christiane Charette, genre dans son salon chez eux. Ouais, c'est ça. Non, non, ouais. C'est une des rares places dans les médias où ça suscite de l'intérêt. Là. Ah ben, ça suscite beaucoup d'intérêt parce que le Tonight Show est une franchise qui existe depuis mais extrêmement longtemps. Mais ici au Québec, je veux dire. Ah, au Québec, ouais, c'est ça. Je me demande la tranche de population qui peut s'intéresser à ça réellement. Mais bon, tu sais, ça pourrait se rapprocher de nous dans le sens que c'est des gens et qui doivent dealer avec des affaires assez compliquées. Bref, c'est ça. Je vais faire rapidement. Okay. En 2004. Conan, qui est l'émission de minuit et demi sur NBC, okay, qui suivait Jay Leno, qui était à 11h30. Conan, NBC voulait le garder. Donc, lui ont offert, en 2004, qu'en 2009, il y aurait le Tonight Show, qui est à 11h30, et que Jay s'en irait. Finalement, arrivé en 2009, ben, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont donné le Tonight Show à Conan, et puis Jay, ben, il voulait le garder dans la maison, parce que lui aussi, il aurait pu s'en aller, tu sais. Parce que, dans le fond, la raison principale que Conan, il l'avait signé pour 2009, c'est pour pas que ça en aille, tu sais, à un autre réseau. Donc, ils ont donné à Jay la case de 10h, 22h. Puis ça n'a pas marché. Les stations affiliées étaient vraiment fâchées parce que ça donnait des mauvaises cotes d'écoute à leurs nouvelles locales de 23h qui sont ce qui ramasse le plus d'argent. Ça ramasse une grosse tranche de leur argent. Donc, ils sont pleins. NBC avait dit qu'ils donneraient un bon délai à l'émission de Jay Leno pour fonctionner avant de la retirer. Et puis, le Tonight Show avait un certain nombre d'années que NBC devait payer. Donc, ils devaient avoir le Tonight Show pendant un certain nombre de temps. Donc, bref, Jay, à 22h, ça marchait pas. Ils ont décidé, on va le remettre à sa case originale de 23h30. On va repousser Conan à minuit. Jimmy Fallon à 1h au lieu de minuit et demi. Puis Carson Daly à 2h, ben, bye-bye, t'auras plus d'émission, t'sais. Donc, ça, c'est un petit peu ça. Conan a dit, ben, gars, le Tonight Show, ça existe depuis tellement longtemps. C'est une franchise que je respecte. Je trouve que c'est sa destruction de venir mettre un autre comédie à 11h30. Donc, moi, je veux pas déménager à minuit et demi. Fait que soit vous me laissez mon 23h30 qui marche moyen, mais qui marche moyen surtout à cause de Jay qui est juste avant, tu sais, qui fait que ça enlève des codes d'écoute. Puis les gens préfèrent des dramatiques à 10h. Donc, bref, Conan a dit, non, je veux pas ça. NBC a dit, ben, parfait d'abord, va-t'en. On va te donner la chance de te sortir de ton contrat et de pas être puni. Parce que s'il s'en allait ailleurs, il y avait une grosse punition, puis etc. C'est une affaire de l'égalité de la chose, c'est bien compris. Et de sous aussi, là, d'argent. Exactement, parce que là, on parle que si Conan décide de s'en aller, d'accepter le deal de NBC, c'est entre 30 et 40 millions, disent les articles sur Internet, qui se feraient. Et puis là, il y a des rumeurs qui disent que son équipe est fâchée parce qu'il aurait dû prendre le minuit 5, mais prendre le minuit 5, ce serait plus le Tonight Show, parce qu'on est le lendemain. Et ce serait encore suivre Jay Leno, parce que Conan a animé pendant 16 ans à peu près Late Night, juste après Jay Leno, pendant 16 ans qui était après lui. Puis là, il a sa promotion, puis finalement, il enlève. Fait que c'est comme branchez-vous. C'est vraiment le réseau qui passe vraiment pour l'imbécile. Puis en même temps, Jay Leno a aussi l'air d'un imbécile parce qu'il a l'air du gars qui veut pas enlever son émission. Le gars est tellement fanatique et c'est tellement dans son sang de faire cette émission-là, tu sais, qui est de l'humour pour le milieu de l'Amérique, tu sais, l'humour qui offusque pas grand monde, finalement, tu sais. L'humour pas facile, mais tu sais, pas super recherché. Donc lui, il est tellement fanatique de ça, c'est tellement dans son sang qu'il fait son émission la semaine à tous les jours pendant 1 heure et la fin de semaine, il s'en va dans un club pratiquer son matériel devant le public. Tu sais, le gars, il n'y a aucune controverse. Le gars, c'est comme Monsieur Gentil Garçon, tout le monde l'aime, tu sais, fait qu'il veut pas perdre son émission. C'est sa job, c'est sa vie. S'il perd son émission, il n'y a plus rien. Fait que donc, on le comprend, moi, je trouve qu'on comprend, mais les gens frappent dessus comme si c'était lui le responsable de la chose. C'est NBC qui aurait dû se décider en 2004, soit de dire à Jay Leno, bon, tu continues pendant X années, puis à Conan, ben, gars, tu sais, t'auras la job quand tu l'auras, tu sais, finalement. Puis lui serait allé ailleurs, là. Exactement, sûrement Conan serait parti, mais en même temps, c'est arrivé aussi en 92, la même affaire quand Letterman suivait Jay Leno, et que là, il y a eu la controverse, est-ce que Letterman va avoir le Tonight Show, ou est-ce que ça va être Jay Leno qui était le remplaçant de Johnny Carson à ce moment-là, qui faisait son remplacement une fois par semaine, quelque chose du genre. Puis finalement, ben, c'est la gérante de Jay Leno qui lui a eu la job, donc Letterman s'est fait avoir, puis on lui a promis plein d'affaires, puis on lui a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger la chose? Ben, le gars, il voulait le Tonight Show. Non, mais il l'a pas eu, il est allé à CBS, il est parti de la même émission, puis il a fait, il est rendu numéro 1 maintenant. T'sais. Donc ça ressemble un peu là, un peu un genre de manipulation de la part d'NBC qui a comme juste voulu tendre la carotte devant Conan O'Brien pour qu'il reste. Exact. Puis un coup qu'il a décidé qu'il restait, bon ben là, regarde, on fait ce qu'on veut, puis on s'en fout. Là. Ils lui ont donné 7 mois au Tonight Show avant de tirer à la plug. 7 mois. C'est pas beaucoup pour faire ses preuves. Jay Leno, au début, ça a pris un bout avant qu'il réussisse à avoir des bonnes cotes d'écoute. Là, t'sais. En tout cas. Ah, c'est quand même cruel, là, le milieu de la télévision aux États-Unis, c'est cruel, je pense. Voilà. C'est le bon terme. Surtout pour les séries dramatiques. Qui ont perdu leur case horaire à 22h, elle aussi. Ouais, c'est ça, mais en général, tu sais, les séries, séries de télévision qui sortent, tu sais, comme, je veux pas d'exemple, mais bon, ben, peut-être pas un téléroman, mais bon, tu sais, une série, quand une nouvelle série sort, ils ont quoi? Ils ont deux épisodes, je pense, pour faire, tu sais, avoir une moyenne de je sais pas combien de millions. Ça c'est ça, c'est pas le succès monstre. Tu sais, si t'as juste comme 5 millions d'auditeurs, ça marche pas. On tire la plug après deux émissions. Donc, c'est quand même dur, là. C'est très, très difficile. Ce qui me surprend, c'est que vraiment, NBC a mis le paquet sur la promotion du nouveau Jay Leno Show à 22h et du nouveau Tonight Show avec Conan à 23h30. Tout ça pour après 7 mois de Conan et 4 mois de Jay Leno dire. Ça marche pas, on remet ça à zéro, on redémarre, tasse-toi de là, puis. Mais en même temps, ils voulaient plaire à tout le monde. Je comprends, leur but était quand même semi-noble de vouloir plaire à tout le monde. Tu penses qu'ils voulaient plaire à tout le monde? Moi, je pense qu'ils voulaient juste garder tout le monde. Ouais, ben aussi, c'est sûr, mais le but, c'est toujours de faire de l'argent, là. C'est-à-dire, on se le cachera pas. Ouais. C'est si Conan amène de l'argent et que Jay amène de l'argent, on veut garder les deux dans la même établi, parce que si tu l'en. Établi? Établissement? Avec les chevaux. Dans la même écurie. Écurie. Donc, si quelqu'un s'en va à un autre réseau, ben c'est l'autre réseau qui fait l'argent que toi, tu pourrais faire. Et là, c'est ce qui va arriver si Conan se fait signer par Fox, parce que Fox courtise. En même temps, ils n'ont pas le droit de courtiser, parce que légalement, quelque chose du genre, ce serait comme... Ils n'ont pas le droit d'approcher ou d'être approché par Conan, ou en tout cas, peu importe, là, je connais rien aux avocats, etc. Mais tant que NBC et Conan n'ont pas signé leur offre pour dire qu'ils s'en vont, ils n'ont pas le droit de parler à Conan officiellement pour dire « Veux-tu venir chez nous? » Ça s'appelle du maraudage, c'est interdit. Voilà. Colin, tu connais ça, toi? Mm-hmm. Mm-hmm. C'est très cruel, le milieu de la télévision de fin de soirée, mais il y a d'autres cases horaires dans la vie. Dans la télévision. Je te vois venir. Oh, oh, oh, oh. Et d'autres cases horaires où la compétition est un petit peu moins dure et où c'est un petit peu plus facile de garder sa case horaire pendant des années et des années, des siècles, je suis sûr. Avec, entre autres, du matériel solide, là. Tu sais, quand on présente quelque chose avec du contenu, tu sais, quand le contenu est là, tu peux tout te permettre, puis t'es assuré que ton émission va rester pour longtemps. Surtout quand t'as quelque chose comme une petite fête chez Jack. OK. Et quand Jill se présente à cette fête et n'est vraiment pas content que Sean soit là, et il quitte les lieux. Non! Est-ce que tu imagines un peu la scène? Non, ben oui, je l'imagine, mais c'est inacceptable. C'est quand même choquant, là. Ben, moi, je suis outré. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, ben, t'as Ashley qui essaie de convaincre Jack qu'il devrait quitter Phyllis. Et là, je vais deviner lequel est lequel? Non, c'était juste... c'était ce dont... C'est ce qu'on vous présente au feu de l'amour, là. Même pas de quiz, là, c'était juste ça. Bon. Tu vois, le quiz me manque. Ouais? Finalement. Ouais. OK. La semaine prochaine, on revient avec un petit quiz. C'est bon. Parfait. OK. Fin de la parenthèse sur la télévision. Finalement, c'est ça pour vous dire qu'on va vous tenir au courant si Conan finit par signer son petit papier pour dire « Je m'en vais ». Et moi, je dois avouer, je suis un fier supporter de Conan. J'ai écouté chaque Tonight Show qu'il a fait depuis juin. Chaque. Je te jure. Oui. Parce qu'on est des fans, moi et ma copine. On écoute ça la fin de semaine. Parfait. Team Conan, Team Coco. T'as souviens-tu dans l'émission numéro 22, là? Ah oui, ça, quand ils ont pitché l'affaire avec les canons, c'était malade. Débile. Oh, wow. On va retourner en musique tout de suite. On va écouter un petit peu de Two Hours Traffic avec Noisemaker, succès du palmarès qui me met les poils sur les sur le coco. Team Coco. On écoute ça tout de suite à Assemblage Requis. CNX, ça s'en vient bientôt. Oui, restez là pour la chronique technologique CNX. Joe. chercher à même les richesses de la flore. Parlez-moi en dans des paniers, dans le sud au moins on voit pour se torcher. Je me suis j'ai l'hiver, assis seulement au fer, moi toujours m'en rappeler au chagrin. Du pays d'Adirondax, il y avait du lichen qui restait pris dans le crack. Parlez-moi en dans des paniers, dans ce nom moyen de quoi pour se torcher. Je me suis vécu l'hiver, assis un bord au fer, moi toujours m'en rappeler au chagriné. Point. Les richesses de la flore à Assemblage requis sur C'est fou 89.1 FM. C'était précédé de Flat et Sexydélique. Oui, deux extraits du palmarès francophone de C'est fou. Et c'est maintenant l'heure, Mathieu, pour la connexion NX. Oui, tout de suite. Toc, toc, toc, toc, toc. C'est la chronique de la bibliothèque de la radio. Oh, oh, hey, hey, ça c'était beau ça, j'aime ça, comme j'ai fait une... Ah voilà! Dans la chronique technologique CNX aujourd'hui, on reçoit Sylvain Ricard qui couvre le CES, le Consumer Electronics Show, qui vient nous en parler ici en studio, bonjour. Bonjour Mathieu. C'est pas la première fois que tu vas au CES cette année, tu y vas depuis 2004. Oui, ma première année, ça a été 2004, et depuis ce temps-là, on apprend à mieux gérer ses pas, parce qu'on t'en marche un coup, c'est sûr qu'on se ramasse avec 2 à 3 minimum belles ampoules en dessous des pieds. Tant que ça. Grande place là-bas, bien des choses qui se passent dans cette foire électronique à chaque année. Parlons-en un petit peu du CES. Qu'est-ce que c'est en tant que tel? Bon, le CES, c'est le Consumer Electronics Show. Donc, à toutes les années, c'est la 43e année cette année. Ça a débuté à New York, ça l'a grossi. Et le seul endroit qui a assez de capacité aux États-Unis pour pouvoir accueillir cet événement, merci, finalement. Merci, je cherchais mes mots. Cet événement, c'est à Las Vegas. Et ça demande tellement d'espace qu'en plus du centre des congrès, c'est en avant du centre des congrès dans des tentes. Dans le centre des congrès du Hilton, et par les années passées, c'était aussi un autre centre des congrès du Venetian qui, cette année, avec la récession, ils ont eu moins besoin de cet endroit. Donc, ça a l'avantage que cette année, comme c'est plus petit, qu'on a sauvé quelques pas pour pouvoir mieux couvrir cette année qu'est-ce qu'il y avait comme nouveauté. Il y a beaucoup de compagnies qui présentent leur nouvelle technologie là, qui présentent les prochaines choses qu'on va voir dans la vie de tous les jours et peut-être même qui sont déjà intégrées au Japon. Tu sais comment que c'est des fois qui nous amènent des produits puis à un moment donné 5 ans, 10 ans plus tard, on les reçoit ici au Canada. Parlons de quelques-uns des produits qui t'ont intéressé là-bas, que tu nous as amené en studio. Tu as plein de choses que je vois et j'ai envie que tu m'en parles un peu. On pourrait commencer par partir. Ce que tu as là, ouais, c'est quoi ça? Celui-là. Oui, d'accord. Balle de tennis, c'est quoi ça? Ça ressemble à des balles de tennis. Oui, ça ressemble effectivement à une belle couleur jaune, deux balles de tennis, un demi-bonhomme de neige avec des yeux et un petit nez. Ce que c'est surtout pour que les psychologues puissent travailler avec les enfants. Donc, au lieu que ce soit comme anciennement, qu'on utilise une petite marionnette avec notre main pour parler à l'enfant, c'est avec l'aide d'un logiciel qui gère le mouvement du petit poussin. Je vais l'appeler un poussin. Et avec ça, ça l'aide les psychologues à faire parler les enfants. Et c'est aussi rigolo à voir en tant qu'adulte bouger. C'est sûr qu'ici, je n'ai qu'une photo et à la radio, on ne le voit pas du tout. Là, non, mais... c'est ça. On l'imagine. Deux balles de tennis une par-dessus l'autre, bref, ça s'imagine bien. Oui. tiens, parlons ensuite de ça. Tu me parlais d'une souris avec de la gelée autour. Oui, bon, ça, c'est on a l'avantage, quand on a nos accréditations journalistiques, de recevoir gratuitement, du jour au lendemain... des bebelles. Des petites bebelles qui disent, tiens, si on leur donne, ils vont en parler. Et ça donne effectivement... Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Donc, si on déballe ça, ça ressemble à quoi, ça, cette affaire-là? C'est juste pour probablement éviter d'avoir des ampoules à main. Donc, c'est tout bonnement... une petite souris qui a un gel par-dessus pour les mains délicates. OK. Un gel par-dessus. Voyons. Pas sûr que j'aimerais ça, cette forme-là, moi, sur ma main. pas certain, ça ressemble vraiment encore une fois à une boule de tennis. Je pense que c'est la série norme aujourd'hui. Boule de tennis. Ouais. En tout cas, ouais, pas certain de ça, moi. Pas certain. Mais j'aime bien l'idée quand même. OK. C'est pour ça qu'ils veulent nous les donner et qu'on essaye de... Parce que personne ne les achèterait. T'es le deuxième qui me dit ça. Non, bon, ben Caroline, je ne dois pas être... je dois pas avoir si tard que ça. Prochain gadget qu'on pourrait mentionner ici, qu'est-ce qu'il y a? Bon, comme on est dans la série cette année, on dit, bon... on est vert, le CIS est vert. L'écologie, c'est important. Donc, l'écologie est importante. Il y avait beaucoup moins de papier. Tout était soit sur CD ou sur clé USB. Donc, il y a une compagnie ici, Ego Green, qui fournit plusieurs petits gadgets pour couper le courant pour nos appareils qui demandent du courant, même quand ils sont complètement arrêtés. Oui, ce que les gens ne savent pas des fois. Oui, donc... le problème de quand on coupe complètement le courant, c'est qu'on n'a plus de courant. Donc, l'avantage de ce petit gadget, c'est qu'il vérifie aux 30 minutes si on a besoin d'un courant supplémentaire, donc si l'appareil veut vraiment être en mode normal. De fonctionnement donc, normal. Donc, il se réveille dans ce sens. Donc, il y a un côté qui est absolument non contrôlé, donc qui est toujours ouvert, et l'autre côté qui est géré par ce module qu'on peut réinitialiser si on veut qu'il parte automatiquement. C'est une très, très bonne idée, ça. Oui, donc ici, celui qu'ils m'ont donné, c'est donc deux d'un côté, deux de l'autre, mais il y en existe, bien entendu, quatre d'un côté, quatre de l'autre. C'est pas beaucoup, là, deux de chaque. Oui. C'est pas assez pour bien des gens aujourd'hui, ça. Parlons un petit peu de cette petite bête que j'ai juste ici devant moi. C'est quoi, ça? Bon, il y a une compagnie qui n'est pas présente au Canada, mais quand on est à beau mentir qui vient de loin, donc c'est pas écrit sur mon visage que je suis Québécois, que je suis Canadien. Non. Donc, Flow TV, avec un partenariat avec, je pense que vous avez parlé au préalable... NBC. Chaîne... On pourrait ne pas mentionner leur nom et juste faire le... C'est un petit indicatif musical. Donc, on nous a gracieusement fourni un magnifique système stéréo haut-parleur qui a l'avantage, si on se promène en route, de pouvoir prendre son courant pour amplifier le son du côté de la prise USB. OK. Je vais dire visuellement, décrire un petit peu le gadget. Ça ressemble presque à un disque dur externe, si on veut. Sinon, ça ressemble peut-être à un coffre à crayon. Ouais, un coffre à côté crayon. Oh, wow! J'avais pas vu que ça s'ouvrait vite de même, ça. Donc, t'enlèves le petit devant de cuirette, et puis il y a des petites pattes qui se tournent sur le côté, et finalement, t'as un haut-parleur dans la face pour faire jouer par USB. C'est incroyable, ça. très joli. Et bien entendu, tous les fils sont intégrés à l'intérieur. Ça se transporte bien. Oui, et donc... Encore une fois, mon analogie de coffre à crayon est aussi pire bien. Oui, le fil intégré. J'aime ça. Très beau travail pour ça. Ah tiens, un autre truc de son que je vois ici. En fait, est-ce que c'est pas de son? Pour le téléphone cellulaire. C'est plutôt quand on a besoin d'une énergie de secours. Okay. Bon, c'est sûr que ce qui est à la mode, c'est d'avoir une énergie de secours solaire. Mais celui-là, c'est plus sous la forme, on va dire, comme un yo-yo. Donc, on se trouve à jouer au tu yo-yo. Tu pompes un peu, tu tires la corde. On tire la corde et ça donne du courant pour pouvoir utiliser notre téléphone cellulaire en urgence, par exemple. Est-ce que tu sais si ça fonctionne avec plusieurs modèles de cellulaires? Il y a plusieurs fils qui viennent avec ça? Les adaptateurs. Oui, oui. La seule chose qu'ils n'ont pas pensé, bizarrement, c'est que la plupart des appareils ont un côté USB pour qu'on puisse avoir une source d'énergie. Comme oui. Mon cellulaire, moi, je peux le recharger à partir de la prise USB de mon ordinateur. Mais la compagnie ici, Yogen, ce n'était seulement pas dans leur plan. Ils ont eu la question et ils se sont comme réveillés. Ah bon, ah, ouais. Ça, c'est pas pire idée, ça. Oui, pas pire idée, mais il y a tellement de connecteurs. Non, c'est peut-être pas dans nos plans. Peut-être manque de budget pour le développement. On sait pas. D'accord. Ça... Moi. Polaroid, on a entendu parler récemment que la très sexy Lady Gaga est rendue porte-parole pour Polaroid. Elle est porte-paroid. Eh oui, elle était sur place. On l'a vu aussi au kiosque de Monster. Donc, ceux qui font les fils et qui te chargent 7 fois ou 8 fois le prix que tu as payé. Oui, c'est l'avantage qu'ils peuvent se permettre quand on est là de nous présenter des spectacles avec Stevie Wonder qui nous chante... des belles chansons. Eh oui. Donc, pour revenir à Polaroid, pour les gens, je ne sais pas si on se rappelle du temps où est-ce qu'on prenait une photo et on avait, après quelques minutes, directement la photo. Le shakeage. Oui, c'est ça. Pour l'utiliser le terme médical, shakeage. Donc, ce qu'ils ont sorti, ils appellent ça le Pogo. Donc, il y a le Pogo qui a l'appareil photographique et imprimante intégrée. Et il existe aussi une petite imprimante qu'on peut directement relier à notre appareil photo. Je n'ai pas encore testé. Ils ont eu la gentillesse de me fournir une petite imprimante. Le seul problème, petit papier photo. Oui, mais c'est ça. Le problème, c'est que les recharges, c'est 10 photos. donc, je n'ai pas vérifié le prix, mais j'imagine qu'il faut vraiment vouloir. Mais c'est apparemment très populaire au Japon. Tu peux coller tes petites photos dans ta case, à l'école, quelque chose du genre. Ah ouais, c'est petit, il me semble. C'est petit. Ah, mais c'est ce qui fait le grand succès au Japon, ces petites photos miniatures. Hmm. Est-ce qu'il me reste d'autres produits? Je vois pas d'ici. Oh non! Ah oui, ben oui. C'est... Oui, tu sais que le sexe savant, je sais pas si tu étais au courant, le sexe savant. Et des gens qui l'exploitent pour leur emballage. Parlant de sexe savant, pendant le CES, dans les mêmes dates, il existe un événement qui s'appelle le Adult Entertainment Exposition, qui se trouve par hasard au Sands Expo que je parlais. Et les mêmes gens vont aux deux des fois, ça donne comme ça. Là. Quel hasard! Ben ouais, quel drôle de hasard. On montre des gadgets sexuels, des choses qui vont faire avancer. Oui, c'est pour ça qu'on prend des Lady Gaga aussi comme porte-parole, je présume. Et voilà. Donc, il y a une paire d'écouteurs milieu de gamme que tu me disais? Oui, le type utilise directement son nom. J'oublie son gentil nom, mais oui, lui, il se dit bon. Les gens ne veulent pas des petits écouteurs qu'on a, disons, au Dolorama à 1$, 5$. Et de la payer, quand on parlait, disons, de Monster, qui sont des prix monstres. Littéralement, oui. Donc, lui, il vise le marché milieu de gamme. Donc, il dit que, bon, il les détaille à 49$ américains. Apparemment que ça vaut plus, mais c'est bien le côté... emballage, dénudement proéminent qui devrait attirer une certaine clientèle. Et c'est les écouteurs Forbidden, donc comme le fruit interdit, donc ça t'attire vers le produit quand t'es pas supposé que c'est interdit. T'sais. Hein, Kiwan, tu connais ça? Ils osent censurer l'emballage, ça. Supposé attirer un public de gens qui aiment les choses sexy. Ouais, en tout cas. Mm-hmm. On est toujours en train de parler du CES, le Consumer Electronics Show, avec Sylvain Ricard. Il t'en restait d'autres. Moi, je suis vraiment caché par la console. Je crois qu'il me restait quelque chose ici. Ah oui. Bon, c'est sûr que ce que j'ai ramené, c'est ce qu'on appelle, dans le gentil langage journalistique du CES, les goodies, les freebies. Donc, les petits cadeaux, justement, qu'on nous donne pour nous attirer dans leur kiosque. Parce que, écoute, il y a 2500 exposants. Bon, depuis 2004, on dit toujours 2500 exposants, donc en moyenne 2500 exposants et ça dure 4 jours. Bon, quand on a une accréditation journalistique, c'est 5 jours, mais malgré tout ça, si on considère que c'est l'équivalent de 56 terrains de football ou 1 300 000 pieds carrés de superficie à couvrir... on n'a pas vraiment le temps de rester les 45 minutes par kiosque pour vraiment pouvoir bien les couvrir. Donc, on essaie de nous attirer avec ces petits freebies. Ces beaux petits animaux-là. Que j'aime ça, des beaux petits gadgets. Et bien entendu, le soir, pour nous désennuyer, il y a toujours de bons buffets ou de bons petits parties dans les certaines chambres des suites où est-ce qu'on peut rencontrer des spas à 36 places. Mm-hmm. 30. Est-ce que c'était difficile d'avoir l'accréditation pour le CIS? C'était là depuis 2004. Bon, étant donné que, bon, en 2004, à l'université ici, les éditions SMG vendent plusieurs livres dans les cours ici et je travaille aussi pour les éditions SMG. Donc, quand j'ai commencé à vouloir me rendre au CIS, je me suis dit, tiens, profitons du fait que je travaille dans une édition pour voir si je peux pas avoir le statut journalistique. Et depuis ce temps-là, que j'ai ce gentil statut. C'est super. Ça doit être quand même... Il faut quand même, une fois que tu as l'accréditation, c'est quand même toi qui dois te déplacer. Donc, tu te permets d'aller là une fois par année. Il y a beaucoup de gens qui en profitent justement pour prendre leurs vacances parce que quand on est attiré par la technologie, c'est des vacances. Il y a un côté joie-haine, si je peux dire. Là, on a hâte d'y aller, mais on sait qu'on va souffrir. Faut des bonnes semelles, Dr. Scholes. Oui, et du talc aussi peut être très utile. Ah ouais. Et du purel aussi, parce que ça touche beaucoup de choses. Ben, le bon côté du H1N1, personne n'avait la grippe cette année. Ah, contrairement à, c'était quoi, à l'E3 l'année passée, je pense qu'il y avait comme une épidémie de tout le monde avait pogné la grippe à l'E3. Bref, les foires comme ça, il y en a, et la CIS est une des plus importantes pour les gadgets. Donc, merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui, Sylvain Ricard. Ah, de rien. Et on se reverra peut-être. On vous réinvite quand vous voulez venir nous parler de ce que vous voulez. Hey, si jamais je vais au CITEC, je vous en reparlerai. Oh! Hey, toutes les foires vont être couvertes un jour par cet homme. Non, on va faire travailler. Notre envoyé spécial. Oui, notre journaliste, notre accrédité. On l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup de votre présence. C'était Sylvain Ricard qui couvre le CES, le Consumer Electronics Show. Dans la chronique CNX. Oui, merci beaucoup. C'est ce qui termine donc la chronique CNX pour aujourd'hui. Il va en avoir une autre peut-être demain ou sinon il y en a trois toutes les semaines. Donc c'est un peu comme une loto. Devinez quelle journée il n'y en aura pas. On ne sait pas encore. Ah, hey, si quelqu'un pouvait partir ça, un petit genre de club, là, on met les gageurs sur quel jour il n'y aura pas de CNX. Quel jour que Mathieu va avoir tellement de jobs que finalement ça ne tente pas d'en faire un jour. C'est assez aléatoire, donc on s'en va cette semaine. Mais tout de suite, on s'en va en musique. Voici You Say Party, We Say Die et Glory. Assemblage requis au 89.1 FM. We'll be right back. Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou 89.1. We'll be right back. cherche mon chapeau sur le plancher de danse. La musique est trop forte, stupide et vindicative. Et je ne comprends pas ce que tu dis, c'est pourquoi je souris. Pendant que tu gueules dans mes oreilles. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Viens, sortons dehors. Au fait, remémore-moi ce qu'on est venu faire ici. Au diable vos verres. Ce meat market gardé par des mercenaires. Il fait plus chaud ici que l'été dans le métro. Et je reste songeur pendant que tu sautes. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Chinatown et apprendre à danser. Oui, Chinatown qui sont en pleine tournée, si on peut dire, québécoise. Beaucoup de dates qui sont annoncées pour le Québec. Et chose assez étrange, je trouve, font beaucoup de premières parties de Cœur de Pirate. Ah. Je trouve que c'est un drôle de mix les deux ensemble, surtout que Chinatown en show, c'est vraiment très, très énergique. C'est très bon, c'est très rock. Moi, je les ai vus à Oceaga l'année passée pour la première fois. Je les ai revus par après. C'est vraiment très bon, Chinatown en spectacle. Et d'ailleurs, il avait gagné à Oceaga, il avait gagné le prix Galaxy, là, en tout cas pour meilleure prestation de jeune groupe ou quelque chose du genre. Okay. Non, mais par contre, parlant de Oceaga, la semaine dernière, ils ont annoncé les dates pour l'année prochaine. Mm-hmm. La programmation n'est pas encore dévoilée, aucun groupe encore d'annoncé, mais on sait seulement que ce sera du 28 au 30 juillet pour Oceaga en ville et du 31 juillet au 1er août pour la version au parc Jean Drapeau, là, la version comme officielle, disons. Et c'est le Igloo Fest à Montréal qui a commencé le 16 janvier. Ça dure toute la semaine. C'est un événement de musique électronique. C'est organisé par... c'est conjointement avec Oceaga, les pique-niques électroniques. Donc, c'est vraiment un événement de musique électronique avec des prestations de DJ beaucoup. Et ça a lieu présentement à Montréal. Ça s'appelle Igloo Fest. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de Oceaga, www.com. www.oceaga.com. www.oceaga.com. Tu trouves pas ça un petit peu ridicule, toi, d'annoncer Oceaga. Juste les dates d'un spectacle? Mais c'est d'un événement. C'est un événement tellement attendu, les gens aiment tellement attends de dire les bands avant de révéler les dates. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, pour quelqu'un qui a des congés à prendre, je sais pas, quelqu'un qui veut mettre un X sur son calendrier pour compter les dodos. Quelqu'un qui veut compter le dodo, Mathieu. C'est quelqu'un qui veut s'acheter des calendriers de chocolat de l'Avent, de Noël, là, à une pièce parce qu'ils sont parce qu'on est passé. Ben, c'est important de savoir la date. Tu sais c'est quand, là, Noël, pour faire ton avant-Noël? Oui, les fans de musique veulent savoir c'est quand Oceaga. D'accord. Tu t'en es bien tiré avec ton raisonnement. Boboche. Vous savez, quelque chose que t'as pas besoin de faire un X sur ton calendrier parce que c'est aujourd'hui même... Hein? C'est le party d'ouverture du super gros carnaval étudiant UQTR 2010. Oui, je sais pas si ça s'entend d'ailleurs à la radio. Je crois pas. Nous ici, on l'entend assez bien, le ouais. Carnaval. On sait qu'il est commencé. Quand les gens passent, on l'entend. Donc, ça nous dit d'attacher notre casque de poêle avec des bonnes agrafes parce que aujourd'hui, ce soir, le 18 janvier, le sol du 10-12 risque de trembler. Les formations montréalaises de Planet Smashers, The Beatdown et Brixton Robbers vont donner le coup d'envoi de l'édition 2010 du carnaval étudiant. L'entrée au party d'ouverture est incluse pour tous les participants qui sont inscrits au carnaval, donc c'est gratuit pour vous. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, ça va être 10$ à l'entrée au 10-12, vraiment pas cher. C'est au pavillon Néré-Beauchemin de l'UQTA. Et une bière va être offerte gratuitement à chaque 100e personne qui va entrer au 10-12 lors du concert. Hein? C'est pas pire, ça? Chaque 100 personnes, une bière gratuite? Wow! C'est vraiment génial. C'est généreux. C'est très généreux. Donc, allez voir sur Facebook, tapez Planet Smashers. Partie d'ouverture ou encore rendez-vous sur le www.uqtr.ca/carnaval et parlons-en un petit peu plus de ce carnaval-là parce que ça en passe beaucoup des affaires. Cette année, c'est sous le signe de l'enchantement qu'il vous donne rendez-vous. Plusieurs surprises incroyables vous attendent, des défis époustouflants, des rencontres hors du commun, du plaisir foudroyant. En quoi serez-vous déguisé? Est-ce que ça va être en Lucky Luke, la petite sirène, Peter Pan, Blanche-Neige, Mickey Mouse, tous leurs amis, n'importe qui? Voilà, donc c'est en fait, je crois que vous pouvez encore vous inscrire. Je crois qu'on peut encore s'inscrire en ce moment même. Seulement 17$ pour T-shirt, buck et entrée à toutes les activités de jour et de nuit. À ne pas manquer cette année, la parade et la foire des incontournables, une joke, une bière, rallye nocturne, festin du roi, plusieurs autres. Encore une fois, c'est uqtr.ca/carnaval et je suis sur le site en ce moment même. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, ça nous dit que c'est encore le temps de le faire, soit comme participant, comme bénévole. Donc, venez au 10-12. Voilà. Et parlez-en aux gens. Oui, et pour ce qui est du concert de ce soir avec les Planet Smashers, nous, on va écouter tout de suite un extrait de leur dernier album des Planet Smashers. Ça s'appelle comment, Mathieu, la pièce qu'on va écouter? Ah, je suis heureux que tu me le fasses dire. C'est Super Orgy Porno Party. Ouh, ça promet pour le spectacle de ce soir. Pizza Man? Oh, I didn't order any pizza. Well, someone's got it. Location. He's got a local that needs his supplies. The friends have supplies, so they all get together. Now everybody's welcome at the party tonight. It's time to redefine the new school group. Boy, two-toned suits hanging by the door. Super Orgy Porno Party. Super Orgy Porno Party. Super Orgy Porno Party. Super Orgy Porno pas mal au 10-12 ce soir, moi. C'est un indice comme ça, je pense. Avec les Planet Smashers, ici, oui. Au 10-12 ce soir. La pièce s'appelait évidemment Super Orgy Porno Party, vous l'aurez compris. C'est aussi le slogan d'Assemblage Requis. C'est dur de se méprendre avec cette pièce-là. Non, mais je veux dire le nom de la pièce. C'est dur de pas comprendre que c'est ça. C'est ça. Donc, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. Kiwan, nous, on va aller se retirer de ce studio pour laisser entrer les filles de Donne-moi le goût qui commencent à 17h juste après l'Infocampus. On se retrouve demain de 15h. Oui, demain avec Émilie Gauthier. Et sa chronique plein air qui s'appelle « Veux-tu sortir avec moi? » Oui, c'est nouveau, nouveau nom pour la chronique. Wow. Wow. Donc, c'est demain à 15h. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye.